tout s'efface autour de moi. Lorsque la ville s'endort, je ne vis plus que pour toi. Lorsque la ville s'endort, tous ces murs éclatent sous les toits. Me poursuit lorsque la ville s'endort. Je voudrais peupler la nuit lorsque la ville s'endort. Ce n'est plus que l'ombre de tes bras. Je veille encore.